Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Bonjour, bonjour les amis. Non. Alors comme vous le savez, certainement ma vie est un échec. Ce serait une campagne qui s'appellerait Copé pour 5 ans. Illustration brutale encore. Dimanche dernier, ou dans le train qui reliait Nantes à Lille, j'ai eu envie de mourir 9 fois, je crois, dans une vivisection. Remise en contexte. Alors, chaque fois que je prends le train pour une longue distance, je me dis pourvu qu'il y ait une fille magnifique qui s'assoit pile poil en face de moi. C'est mon fantasme ultime, vraiment. Ça, et parler de plus de 11 secondes à Nagui. Et bien, dimanche matin, je vous le donne en mille, le truc arrive. Au moment où le train démarre, il y a Nagui qui débarque et qui se passe en train. Non, je déconne. Qu'est-ce qu'il foutrait dans un train pour faire Nantes-Lille alors qu'il y a des jets privés qui font ça en 20 minutes sans s'arrêter à Angers comme des losers en plus. Non, il n'y a aucun sens. Non, il y a une fille sublime vraiment qui s'installe en face de moi. Elle avait vraiment l'air douce, intelligente, sensible, sentait qu'elle aimait le gluten et tout. C'était ça arrivait. Non, ça arrive qu'une fois dans une vie. D'habitude, la meuf elle est belle, mais elle est intolérante au lactose ou aux fruits de mer. Si pas du tout. C'est une fille bien, vraiment. Et le problème, c'est que je comptais sur les 4 heures de ce voyage pour écrire une de ces fameuses chroniques interchangeables dont j'ai le secret et qui font le bonheur des magazines qui croient encore que j'ai du talent. Mais là, j'étais complètement incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. On aurait dit Daniel Morin en face de. En fait, non, dans la même situation, mais sans toutes les retombées judiciaires. Daniel Morin, tu le mets face à la même fille, 10 minutes après, il y a un déraillement, quoi. Vraiment, le train déraille. Mais dans ma tête, dès que le train a démarré, je me suis dit, Dieu, si vous avez 2 minutes, faites que ça se passe comme dans mes rêves, quoi. Dans mes rêves, là, la fille, elle me regarde discrètement, je lui dis un truc qui la fait sourire. Là, on va boire un café dans le wagon-bar, une chose en amenant une autre, le wagon-bar. Une chose en amenant une autre, on se retrouve planqué dans la cale à plat chaud, à faire l'amour avec 3 suédoises qui passaient par là. Hop, elle met les films, me disent, tout comme de face, autre ligne, un Göteborg, ça veut dire, en gros, ça veut dire des coups comme ça, mec, on en a jamais vu, même à Göteborg, respect. Puis la fille, qui n'a rien contre le gluten, me fait, prends mon 06, même déglingué à 5h du mat, tu m'appelles quand tu veux, même quand t'es en chien, etc. D'ici là, je vais t'aider pour ta chronique, t'as un angle, etc. Voilà, normal quoi, je demande pas la lune non plus. La vie. Enfin, là, je me sentais coupable vis-à-vis de Leïla, figurez-vous, parce que j'étais en pleine réflexion sur la condition de la femme. On était 2 jours après votre mignon échange ici même avec Luc Ferry qui avait essayé de prendre l'ascendant sur la discussion en parlant fort. Et maintenant, je vais vous prouver que j'ai raison. D'ailleurs, tu entends comme ma voix est plus grosse que la tienne. Ouais. Ils ont changé les philosophes quand même après le mythe de la caverne, la nostalgie de la caverne. J'ai rien dit sur le moment même pour d'évidentes raisons de l'acheter, mais parce que aussi intellectuellement, un débat Ferry-Leïla interrompu par Guillaume Guise, voilà, ça ressemblerait à du Sonny and Cher featuring Sébastien Patoche. Il faut savoir serrer les gencives parfois, franchement. Mais je me rappelle quand même m'être dit, ok, je suis peut-être pas la plus grande flèche de 2017, je suis obligé moi, de regarder les rediffusions. Ne touche pas à mon poste parce que j'ai pas tout compris la première fois. Je veux dire, mais je suis pas aussi phallocrate que Ferry quand même, c'est vrai. Et pourtant, dans ce train Nantes-Lille, à la seconde où cette fille s'est assise devant moi, elle est devenue une espèce d'objet de convoitise sans qu'elle ait rien demandé à personne. Et obscur j'ai tout fait. Objet du désir. J'ai tout fait pour attirer son attention. Franchement, je me suis mouché 2 fois. J'ai bu de l'eau. J'ai montré mes cicatrices. J'ai fait des chants traditionnels du Tyrol. J'ai cuit un bar de ligne. J'ai monté une étagère Ikea. Rien. Elle a pas regardé une seule fois dans ma direction. Je me disais, c'est à cause de gens comme moi, vraiment, que les femmes sont parfois mal à l'aise dans la société, d'être toujours pour des hommes des objets. Et je me dis en même temps, j'étais juste un garçon bouleversé par la beauté d'une fille qui se demande où placer le curseur de son féminisme. Ah, je le place où, le curseur de mon féminisme, Leïla? Vous allez me répondre oui? Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume Gouin.